La vengeance du mort, ballade grenadine. La gloire du mort est flétrie, son effet, toute libérie courbe sous un joug orgueilleux. Seule, Grenade la vaillante dérobe sa tête mourante aux fers honteux. En vain de sa mortelle haleine, la peste préservant la plaine, pour elle garde ses fléaux. Qu'importe le trépas livide, le croissant demeure intrépide sur ses créneaux. Épuisé, mais encore terrible, le guerrier au fer invincible, Almanzor défend ses remparts. Quoi, l'Espagnol vainqueur du mort? Malheur, sous ses murs il arbore ses étendards. Périsse la race insolente, demain dans une aube sanglante le soleil dardera ses feux. Demain l'assaut, demain la gloire, à demain le chant de victoire, l'hymne pompeux. L'aurore, lui, le bronze tonne, sous ses coups tombe la couronne de l'Alpuxarras menaçant. Déjà la croix avec audace sur les hauts minarets remplace le fier croissant. Almanzor seul résiste encore, sur les débris du peuple mort, il vient de s'ouvrir un chemin. Tout disparaît devant son glaive, puis tel qu'un fantastique rêve, il fuit soudain. Où donc est le brave des braves? Est-il au nombre des esclaves, le prince au glaive audacieux? À moi, dans ma coupe fumante, qu'il verse d'une main tremblante le vin des dieux. Et l'Espagnol, sur les ruines, au son des vives mandolines, goûte les douceurs du festin. Coulez à flots nectar limpide, à demain, le partage avide, au lendemain. Le Xérès à longs flots ruisselle, mais silence! La sentinelle annonce un guerrier étranger. Quoi, c'est lui? C'est le prince mort? Espagnol, il respire encore pour se venger. Oui, c'est bien l'enfant du prophète. C'est là cette superbe tête, cet œil au regard incisif. Espagnol, maître de ces plaines, moi-même je livre à vos chaînes un roi captif. Je vous apporte ma couronne, tous mes trésors je vous les donne. J'adore et reconnais vos dieux, vassal de vos lois tributaires, avec vous je veux vivre en frère, oui je le veux. À l'Espagnol plaît le courage, il a tendu sa main pour gage au prince encore à deux genoux. Soyons amis, plus de barrières. Oui, dit l'arabe, soyons frères, embrassons-nous. Et dans ses bras Almanzor presse, plein d'une délirante ivresse, les vainqueurs de ce fatal jour. À tous il donne l'accolade. Maintenant, seigneur de Grenade, à votre tour. Allah, vive le saint prophète! Allah, votre lèvre indiscrète vient de cueillir un noir venin. Je porte la mort inflexible et le baiser présent terrible sans lendemain. Voyez mon teint pâle et livide, ma bouche de breuvage avide et mon sein dévorant brasier. Un semblable mal vous dévore, telle est la vengeance du mort au cœur d'acier. Il a dit, se tord et se roule, de ses bras étreignant la foule à ses flancs, il veut l'arriver. Il rit, et dans ce noir sourire de la vengeance qu'il inspire, semble rêver. Il rit, et sa bouche expirante d'une nez ni effrayante a murmuré le chant vainqueur. Il rit, sur sa face glacée se lit la dernière pensée d'un vaillant cœur. Telle est la vengeance du mort. S'il tombe, fougueux météore, il lègue de sanglants fléaux. Terrible en sa redoutable ire, il succombe, mais il expire sur des tombeaux.